Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Donner de la voix, votre émission engagée et citoyenne sur Fadjet 94.2. 15 minutes d'entretien avec un membre d'une association de votre région pour vous donner envie de vous engager. Et aujourd'hui, l'Association des travailleurs maghrébins de France, ATMF, Association de défense des droits des immigrés venus du Maghreb, avec Youssef Nassib, membre du bureau de l'ATMF Nancy. Donner de la voix sur Fadjet, présenté par Augustin. Bonjour Youssef Nassib. Bonjour. C'est un plaisir que de vous recevoir ici. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et pour commencer, j'aimerais vous demander de nous présenter l'ATMF et son projet. L'ATMF et son projet, c'est une longue histoire. C'est l'histoire de quelques militants marocains, des appels des résistants. Alors, qui ont été des résistants au Maroc déjà, sous le bon règne de M. Hassan II. J'ai dit ça ironiquement. Oui. Et donc ici, arrivés en France, la plupart étaient des étudiants, quelques ouvriers. Hein. Ce sont des ouvriers aussi qui ont été à l'origine de la fondation de l'ATMF. Donc voilà, on a tout de suite compris qu'il fallait un peu faire quelque chose dans cette société qui souffrait un peu de mal compréhension, d'idées reçues un peu comme ça à la va-vite sur les étrangers, etc., etc. Donc c'est une association qui s'est fondée dans les années 70, milieu des années 70, je cite ça de mémoire, et puis ben, voilà, c'était principalement à l'époque, c'était très politique à l'époque, c'était contre le racisme, discrimination, etc. et tout, et même beaucoup plus que ça. Ouais. Même peu osé, je dirais. Maintenant, après, ça s'est développé avec la prise de conscience des problèmes vraiment réels qui existaient dans la société française, des communautés étrangères, etc. Et tout. Et puis, maintenant, il y a un projet culturel, il y a un projet politique, il y a un projet social. Et ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Du coup, au départ, l'ATMF, c'est une association de lutte contre les préjugés pour un meilleur vivre ensemble. Et quelles sont finalement les missions de l'ATMF dans la région ? Ben, les missions, il y en a pas mal. Il y a, alors cette année spécialement, parce qu'il y a eu des vagues de migrants, hein, vous savez bien, les Syriens, les Irakiens, les Africains, etc. Et tout, donc nous sommes très sollicités. Alors, les cours de français, les cours scolaires aussi, il n'y a pas que les cours de français. Mmh. Les cours de français, il y a besoin, c'est une base minimale. Maintenant aussi, le scolaire, les maths, physique, chimie, etc., l'aide aux devoirs, l'aide aux familles. Les familles ne savent pas où aller quand ils reçoivent un courrier, un papier de la CAF, des allocs, de la mairie, enfin, toutes ces choses-là qui relèvent de l'administratif. Mais, ouais. Mais plus important et plus intéressant, ce sont toutes les autres choses qui peuvent impacter sur une population d'un quartier, d'une cité comme Vendeuvre, puisque notre siège, il est à Vendeuvre. Je veux dire, les gens-là, comme par exemple, dernièrement, l'épouse de Marwan Barghouti, qui est un leader palestinien qui est en prison depuis une quinzaine d'années. Quand les jeunes, enfin, quand les gens de la cité voient et regardent cette femme qui leur parle de son histoire, bah, ça les fait sortir déjà de leur milieu et puis vers la compréhension d'un autre problème. Bien sûr. Puis, bah, autre chose, hein, il y a des expositions. Donc, vous avez une diversité de fonctions, de missions, pour une diversité de cas, finalement. On peut résumer ça. Et comme ça. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Donc, à Vendeuvre, vous dites, quelle est votre adresse ? L'adresse, c'est au Square Lisbonne. Alors, Square Lisbonne, il y a un peu caché hein, par un gros immeuble qui est en face de la médiathèque. Donc, d'accord. Nous sommes derrière l'immeuble qui regarde la médiathèque. Bon, avant, il y avait un problème, on ne pouvait pas trop retrouver l'adresse, mais maintenant, nous avons une plaque, maintenant, voilà, Association des travailleurs. Voilà qui est plus clair. Ce sera plus facile. Donc, du coup, vous êtes une association qui fonctionne avec des bénévoles, avec des salariés? Alors, on a quelques salariés avec des postes, comment on dit, les emplois jeunes, des choses comme ça. Et puis, il y a un travailleur permanent, le coordinateur. Les auditeurs qui souhaiteraient se joindre à votre cause, ils peuvent le faire simplement par un coup de téléphone. Pour les auditeurs qui voudraient vous rejoindre. Venez nous voir directement. Sinon, Internet, vous tapez ATMF54, vous avez notre numéro de téléphone, notre adresse mail, tout ça. Et puis, on vous invitera pour des civités. Et à propos de vous, Youssef Nassib, vous m'avez dit que pour vous, l'engagement se terminait peu à peu, puisque vous êtes à la retraite aujourd'hui. Je suis à la retraite professionnelle, mais pas bien sûr dans ce milieu-là. Car l'engagement ne s'arrête jamais. Oui. Et quel était ou quel est votre travail pour l'ATMF? J'ai été un intermittent. Oui. Quand on a besoin de moi, je réponds toujours présent. Quand je suis libre et que je passe, je peux participer, contribuer à certaines actions. Mais je ne suis pas vraiment, comme vous l'avez dit, quand on s'engage, l'engagement ne se termine jamais. C'est vrai. Mais moi, je suis comme ça par intermittence. C'est-à-dire, je ne peux pas, par exemple, travailler sur un projet. Oui. 3 mois, 6 mois, tout ça, je peux donner un coup de main, contribuer. Voilà. Et ce coup de main, c'est déjà un engagement majeur. Oui, vous avez raison de le dire, parce que si je ne le fais pas, je me sens un peu comme coupable. D'accord. Voilà. Oui, c'est-à-dire que l'engagement est chevillé au cœur, finalement, oui, avant que les mains ne s'agitent. D'ordre moral. Eh bien, voilà. C'est un formidable message que vous portez là. Et concernant les actions de l'ATMF, oui. Quelles sont celles, par exemple, auxquelles vous avez pu participer, Youssef Nassib? Ah, j'ai participé à beaucoup. Bon, maintenant, ceux qui ont un peu plus marqué, je me rappelle d'un moment, on avait invité un écrivain marocain, Fouad Laroui, qui vit en Hollande. C'est un écrivain de belle plume, donc voilà, il est venu pour nous parler, à un moment donné, il nous parlait des écrivains maghrébins d'expression française. Mm-hmm. Ça a réuni pas mal de gens, vraiment très intéressant. On avait organisé cette action au Centre culturel André Malraux. Mm-hmm. Ça a eu beaucoup de succès, ça je me rappelle bien. Alors bon, je me rappelle aussi de certaines fêtes. Moi je suis quelqu'un qui aime chanter la musique, voilà, donc il y a eu aussi des spectacles de ce genre-là. Mmh. On avait offert des spectacles populaires aux habitants de Vendeurs. Ils demandaient ça, parce qu'à un moment donné, ils disent « Oui, on est bien d'accord, vous invitez un écrivain, vous vous faites plaisir. Vous, mais nous, on ne sait pas lire, on ne sait même pas ce qu'il raconte. Mmh. » Alors, de temps en temps, on organise une soirée pour eux, on invite un groupe de musique. Et donc, finalement, vous êtes toujours, on peut le voir par l'exemple de l'écrivain que vous nous avez donné, dans une lutte contre les préjugés. Vous m'avez parlé, en préparant cette émission, des démarches que pouvait faire l'ATMF, notamment pour lutter contre la discrimination à l'embauche, par exemple. Oui, oui. Comment ça se présente? Que peut faire l'ATMF? Bah, l'ATMF, elle peut pas, en fait, agir d'une manière efficace ou positive, si ce n'est par l'entremise des élus, des députés, des responsables. Mmh. Bon, on peut rédiger des courriers pour demander des éclaircissements, des explications sur le refus d'une candidature, sur des choses comme ça. On peut même accompagner la personne en question, mais finalement, c'est les entreprises qui décident. C'est-à-dire mais que on vous faut le soutien essaie, du politique. Voilà. On essaie que ces gens-là puissent un peu changer d'opinion. Le mérite, c'est le meilleur gage pour une bien sûr fonction. Mmh. Et donc, vous êtes là aussi pour porter ce message jusqu'aux oreilles du politique. Bien sûr. Et finalement, je voulais vous demander, Youssef Nassib, pourquoi avez-vous pris la décision de vous engager et pourquoi de cette façon-là vers la TMF? Alors, je l'ai un peu dit au début quand vous avez posé la question sur la structure de la TMF, etc. J'ai dit que la plupart, c'était des étudiants. Enfin, il y avait des ouvriers aussi, mais la plupart étaient des étudiants qui avaient connu un peu le régime despotique de Hassan II. Donc, en même temps, on sent un grand étouffement, mais en même temps, une ouverture d'esprit sur ce qui se passe dans le monde d'une manière générale. Quand on découvre que la politique, c'est un roi, ok, des flics, oui, gendarmes, oui, militaires, oui, mais nous, qu'avons-nous fait pour mériter que des flics maltraitent les citoyens pour rien? Donc, déjà, on commence à se poser des questions. Voilà, donc c'était pas compliqué pour moi d'arriver ici. J'ai fait partie d'un petit syndicat étudiant, un peu style UNEF. Alors nous, c'est UNEM, hein, marocain. Voilà. Puis on était très remontés, très révoltés. Et voilà. Et puis bon, après, la TMF qui est beaucoup plus une association qui œuvre en France plutôt que... Voilà. Donc vous avez eu une rencontre avec le politique, dans son sens le plus despotique, qui vous a fait prendre conscience que l'action des citoyens pouvait améliorer leur propre sort finalement. Et pour conclure, Youssef Nassib, puisque nous arrivons déjà presque au terme de cette émission, pourriez-vous nous présenter ce qu'est l'engagement civique pour vous? L'engagement civique, actuellement, il devient compliqué. L'engagement civique pour n'importe quel citoyen qui a envie que les choses fonctionnent, on vit ensemble. Ça peut sembler facile. Sur le papier, il faut... Voilà, ou même quand on ouvre un dictionnaire, c'est avoir le sens... civique, c'est respecter autrui, c'est ne pas faire ci, ne pas faire tout ce qui est pas bien de faire, voilà, faire qui est bien. C'est-à-dire que la définition est assez simple à comprendre, mais c'est la réalité des faits qui pose problème. Oui, bien sûr, la réalité, elle est toute différente. On est aujourd'hui en présence d'une société française qui s'est beaucoup modifiée, elle a beaucoup changé. Moi, je suis arrivé en 1976, on est en 2018, j'ai vu un peu comment les choses se sont passées. Maintenant, les choses sont beaucoup plus compliquées. On a un peu du mal avec ce mot-là, le civisme, maintenant. Enfin, moi, j'ai 62 ans, j'ai travaillé, je suis à la retraite, je vois un peu les choses... quelqu'un, on va dire, un peu assagi. Assagi mentalement, moralement, des choses comme ça. Parce que moi, j'étais un excité. Je voulais des armes pour abattre le régime de Hassan II. Bon, maintenant, je suis en France. Cette histoire-là, elle est vieille d'une trentaine d'années. Le civisme, il a mal au dos maintenant. Et c'est seul l'action des citoyens qui va changer les choses. Il faut voir les quartiers, comment ils vivent, etc. Et tout. On ne peut pas demander à des jeunes d'être civiques quand ils voient des politiques faire n'importe quoi. Voilà, entre eux. Et finalement, c'est sur ce message d'aller chercher dans la réalité du terrain les faits qui mériteraient d'être modifiés que l'on permettra au civisme de réellement s'incarner. Et c'est sur ce message, Youssef Nassib, que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup d'être intervenu à ce micro. Et chers auditeurs, chères auditrices, c'était déjà la dernière édition de Donner de la voix. Peut-être que cette émission, qui à sa manière aura tenté de s'engager et de vous donner envie de vous engager, pourra se poursuivre sur Fadjet, nous verrons cela ultérieurement, et qu'il me soit permis, en présence de Youssef Nassib, de terminer cette émission par le propos d'Albert Camus, « Je me révolte, donc nous sommes ». Bonne semaine engagée à tous.